À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, le Comité national d'études des adultes du Congo démocratique a présenté dans leur page internet l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, accélérant l'édification d'une patrie riche et puissante grâce à la mise en valeur du patriotisme Kim Jong-il.